À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les rassemblements des organisations des travailleurs pour prêter serment se sont déroulés le 15 courant. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les officiels intéressés et les permanents et membres de l'Union de la Jeunesse, de l'Union des Travailleurs Agricoles et de l'Union des Femmes. Le premier secrétaire du comité central de l'Union de la Jeunesse, Chun Yong-nam, en premier lieu, les jeunes étudiants réunis devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, ont juré de suivre fidèlement la direction de la révolution de Sungun du maréchal Kim Jong-un, selon les recommandations du général Kim Jong-il. Au rassemblement des agriculteurs et des membres de l'Union des travailleurs agricoles, des permanentes et des membres de l'Union des femmes tenues à la ferme coopérative d'UNRWA de l'arrondissement d'Ancheon de la ville de Nampo et à la maison des femmes à Pyongyang, il y a eu les rapports suivis des interventions.